Hey. Encore que deux feuilles collées entre elles, ravivant lentement le bout de la mèche. À force de me brûler la cervelle, je finirais peut-être par en être bête. J'admets que souvent ce qui me motive est bref. Mes trêves de plaisanterie, j'ai pas ce fameux trèfle à quatre feuilles, mais permettant d'être riche de l'intérieur, je le suis. Ah, dis-moi, je l'espère, comment être sûr de sa valeur quand ceux que l'estime autour se perdent. D'irrisible histoire où rarement la bonté se manifeste. Du mal à cerner les aléas de ma vie, tant celle-ci donne sommeil, j'en vois le sommet. Mais je reste quand même sans intérêt, pourquoi écouter leurs conseils? Pour la plupart, non avérés, mais vous verrez bientôt tout tard. Vous êtes aveuglés par l'orgueil, le jour où t'as t'égare, mais que ceux-ci te laisseront seul au fond. Depuis le départ on l'est, mais on ne veut pas l'admettre. C'est en pleurant que je suis venu au monde et en repartant que je ferai la même, quelle belle affaire. Ah, qu'une comédie mortelle où l'on rit jaune, une ambiance lourde et mélodrame où l'on ne peut tirer le rideau. Intérieur d'une pièce où les comédiens meurent en silence. À quoi bon vouloir faire du bruit, à quoi bon vivre ensemble? À quoi bon éviter la nuit, le vide passe lentement. Quand la routine était cauchemar, t'étrangle tendrement. Intérieur d'une pièce où les comédiens meurent en silence. À quoi bon vouloir faire du bruit, à quoi bon vivre ensemble? À quoi bon éviter la nuit, le vide passe lentement. Quand la routine était cauchemar, t'étrangle tendrement. J'vois que dalle nous atrophier, voit le garage le samedi soir. Mais y'a que mon rap qui sort des tripes, on s'aguerrit à chaque couplet. Si le micro grésille, c'est qu'on s'emballe. Y'a pas le micro crédit qui est confortable. Et confort, une poignée de potes autour de la table. Tu crois qu'on dort au mixage puis à la prod, au message puis en l'alcool, jusqu'à que mes dilois puent la clope. L'herbe est toujours plus verte que chez le voisin drogué de Médoc. Putain d'époque, pas le méthode, mais c'est la mienne, pas celle d'un autre. C'est très peu de gens qui s'aiment et qui s'incitent à la révolte. C'est très peu de gens qui s'aiment et qui abusent de la récolte. À la rigueur, je préfère partir plutôt que les autres. Pas l'âge qu'il faut, déjà mineur, je côtoie la route dans les ruelles de ma ville. Tout est cruel, on m'a dit, comme des cuvées un mardi. Le rituel tombe à pic, dès lors qu'on presse le bouton rec, on s'applique. À son compète et sur son pleure, on s'active, j'attends que tu payes un bouton grec, on salive. Intérieur d'une pièce où les comédiens meurent en silence. À quoi bon vouloir faire du bruit, à quoi bon vivre ensemble? À quoi bon éviter la nuit, le vide passe lentement. Quand la routine était cauchemar, t'étrangle tendrement. Intérieur d'une pièce où les comédiens meurent en silence. À quoi bon vouloir faire du bruit, à quoi bon vivre ensemble? À quoi bon éviter la nuit, le vide passe lentement. Quand la routine était cauchemar, t'étrangle tendrement. T'avais cru quoi, hein? Parle avec les mains quand plus rien à dire. Écorcher le mot P quand brutalité tend à fuir. La honte aux trousses. Te rends-tu compte du bien, du mal, du pourquoi, du comment? Je romance, comment te sens-tu le soir? La plupart des crapules bavent sous ce platane, bêtise passe. Est-ce qu'à ce point qu'on n'accuse pas, mais la rétine parle donc. Entre pavés et paresse, j'avance dans l'ombre. Une ruelle nous ramène à casa, par ça pas grand-chose. Soit la vie coûte cher, j'aime pas, c'est du bon temps. J'ose espérer sceller une amitié pour longtemps, crois-moi. Ici la solitude blesse, t'as compris qu'on perd. Combine sur combine, attends que le profit prospère. J'ai pas assez d'années à aérer, c'est pas la chose à faire. Mais j'essaie de m'aérer l'esprit, après c'est ce qu'est de vivre en fait. L'enfer c'est moi, les autres j'en ai ma claque. Alors écoute, j'ai pas la tête à ça, c'est grave la mer à boire. Intérieur d'une pièce où les comédiens meurent en silence. À quoi bon vouloir faire du bruit, à quoi bon vivre ensemble? À quoi bon éviter la nuit, le vide passe lentement. Quand la routine était cauchemar, t'étrangle tendrement. Intérieur d'une pièce où les comédiens meurent en silence. À quoi bon vouloir faire du bruit, à quoi bon vivre ensemble? À quoi bon éviter la nuit, le vide passe lentement. Quand la routine était cauchemar, t'étrangle tendrement. Avec mes frères, on est comme toi, comme les tiens, on rêve de voler. Des comédiens qui dans la pièce n'ont pas été en beau, c'est drôle de rôle. Au second plan, je m'amuse à refaire le monde. J'ai pas bougé d'un millimètre, mais ce que mes frères me montrent, c'est que la richesse vient du cœur, que la route est longue, qu'on n'a pas vu la fin. Un sourire quand je les croise, mais qui m'a tendu la main, moi. Je connais mon destin, du coup, je danse avec la pression. Si tu veux jouer sur mon terrain, ne te pose pas de questions. Je sers mes intérêts d'abord, j'ai pour l'amour de la musique. Même si cette douce courtisane m'a rendu amnésique, je n'oublie pas mes rêves, mes ambitions, ce qui me tient à cœur. Toutes ces balivernes qui me transforment en triste délateur. L'acteur écrit l'histoire, mais c'est bien le seul à ne pas y croire. Elle a la même couleur que l'encre. La c'est noir, ma page est tachée par ces choses auxquelles je donne de l'importance. Le soir je pleure, j'écris en casse et tout est l'arrogance. Intérieur d'une pièce où les comédiens meurent en silence. À quoi bon vouloir faire du bruit, à quoi bon vivre ensemble? À quoi bon éviter la nuit, le vide passe lentement. Quand la routine était cauchemar, t'étrangle tendrement. Intérieur d'une pièce où les comédiens meurent en silence. À quoi bon vouloir faire du bruit, à quoi bon vivre ensemble? À quoi bon éviter la nuit, le vide passe lentement. Quand la routine était cauchemar, t'étrangle tendrement.